Pour toi je te le fais. Tu es là quand t'es en chien. Je te défends quand il te frappe. Tu remercies même pas idiot. Pour toi je te le fais. Tu remercies même pas idiot. Tu es là quand t'es en chien. Je te défends quand il te frappe. Tu remercies même pas idiot. Ok, on me donne le thème, je tourne en rond, je suis une flemme. Beaucoup croient que je suis overgame, je suis imprégné dans le système. Trop, pour plus l'être et je t'aime, un nouveau style stratagème. Bam, snack fidèle, pour monter le barème. Qu'on passe ou pas sur FM, ça ce n'est pas le problème. Pour ceux qui disent de nous qu'on est dangereux, je veux en placer une pour eux, je n'oublie pas comme les nœuds. Pour l'instant, pas le temps de m'occuper de toi, y'a pas le feu. J'ai une affaire à terminer, je suis à la bourre sur ce. Je prends mes repères, la politesse perd. J'espère que les choses changent, mon frère, expert, c'est en carrière. Titulaire à l'aile, droite, gauche, c'est la PER. Là, ma façon de balancer, on part d'une phrase et je sais que mon coup d'entre vous n'y ont même pas pensé. La charade, c'était M-E-R-C-I. C'est comme ça qu'F-I-D-E-L fini. Pour toi, je te l'appelle. Tu remercies même pas, idiot. Tu es là quand t'es en chien. Tu remercies même pas, idiot. Je te défends quand il te frappe. Tu remercies même pas, idiot. Pour toi, je te l'appelle. Tu remercies même pas, idiot. Tu es là quand t'es en chien. Tu remercies même pas, idiot. Je te défends quand il te frappe. Tu remercies même pas, idiot. Saoulé, ça commence toujours par un pas, s'il te plaît. Mais faut-il que je te rappelle si j'accède à ta requête? Ce n'est pas parce que tu vois le dessus de ma tête, mais eh bien ça dans ta cervelle, à ce que je sache. Je n'agis pas par contrainte, même éventuelle. Je lui tends donc son bâton, la personne se barre, me tourne. Aussitôt ses talons sans un quoi que ce soit. Elle a dû me prendre pour une fille de baron, une fille de la descendance, ce qui escroque et pille le peuple. Même si tu m'imagines patronne, genre ma tonne où les mots résonnent quand ils t'ordonnent. Je fais partie de ces personnes qui savent dire MERCI pour un taf bien accompli. La politesse, un bien liant les gens, le truc qui fait qu'on se quitte tranquille sur un bon sentiment. Elle facilite la vie ensemble et vite. L'équiproquo, elle ne divise pas mais elle rassemble. La politesse, une arme, un bluff, endort même les keufs. Ligne de conduite de ma troupe, forme de vice. Je l'accepte mais accède grâce à elle aux sphères et demeure comme ma mère le souhaite, une demoiselle. Si je t'ai dit merci, message que je te renverrai l'ascenseur. T'inquiète, j'ai reçu le message. Quand je dis crapule à la fin, je mets un nez, je suis comme pute sans trace. Quand je rends un service, je mets un nez des mecs. Le conseil, courait comme Carl Lewis. J'ai aidé, pas un remerciement, c'est un lascar à la vis. Mais laisse, wesh, papy, la roue tourne sans cesse. Des fesses, garelle, mon texte apprend la politesse. Des coups de main sont toujours des coups de poing. Du coup, ben, tu te doutes bien que des comme ça, j'en ai tout plein. Quand je pose à un cousin, je dis merci. Donc que j'aime qu'on me fasse la même. C'est quoi qui gêne, quoi que j'aimerais que tu me dises merci. Que l'orgasme, je préfère entendre pareil que les disques d'or. Bams, je sais pas si chope ce gars, je lui mets un passing shot dans la tête. Dis merci à Bams quand elle passe une clope. Moi je te l'appelle, tu remercies même pas, idiot. Je suis là quand t'es en chien. Tu remercies même pas, idiot. Je te défends quand il te frappe. Tu remercies même pas, idiot. Toi je te l'appelle, tu remercies même pas, idiot. Je suis là quand t'es en chien. Tu remercies même pas, idiot. Je te défends quand il te frappe. Tu remercies même pas, idiot. Tu remercies même pas, idiot. Tu remercies même pas, idiot. Tu remercies même pas, idiot. Tu remercies même pas, idiot. Même pas.